des paroles. Je sais que t'es pas romain. Le monde est à nos belles. Si tu fous pas tout en l'air. Je sais que tu le sais. Vrai bonhomme pour une vraie princesse. Chichichiga veut ça. Sarai que ces mecs disparaissent. Mensonge et caresse. Chagrin et promesse. Oh Louis, j'suis pas comme lui moi. Faut pas tout briser. Porto Rica, oh Maria. Ma douce bandida. Via Casania. Oh, oh Maria. Oh ma douce bandida. Dans le flou, tiens mon cœur, baby boo. Bon, on a toute la vie.